Chapitre 6. Madame Picot était enfin venue au billot après avoir boudé Jean pendant plus d'une année. Quant à son mari, il ne s'était pas dérangé, ne pouvant laisser seul le magasin. « Eh bien, dit-elle à Jean, tu ne veux pas revenir avec nous? Tu dois t'ennuyer à ne rien faire. Va, il n'y a encore que de travailler. Viens, ton père serait bien content si tu prenais le magasin. » Jean souriait avec une vague intention de mépris. On osait lui proposer de vendre des assiettes, lui, qui, tout le jour, vivait avec les purs génies dont il lisait les œuvres et avec la nature dont il pénétrait les secrets. « Que ce soit fini une fois pour toutes, dit-il à sa mère. D'ailleurs, je ne quitterai le billot, entendu, que pour retourner à Paris. » Il vit de suite l'effet de cette menace. Sa mère en était attristée. Elle l'aimait bien, malgré tout. Et sans l'inquiétude qu'elle avait de l'avenir, elle eût été enchantée, au fond, de voir que son fils était bien un monsieur, comme autrefois elle l'avait tant désiré. Et Jean continuait sa vie de rentier, se promenant, lisant, dînant longuement, mais il ne sortait plus le soir pour aller au cabaret. Ce qui n'étonna pas du tout l'oncle, dont les prévisions s'étaient accomplies, et qui fermait les yeux sur ce qui se passait chez lui. Ah, c'était du propre à ce que disaient les commères du billot. « Avez-vous vu les bonnets à rubans de la servante de chez Régalard ? D'où qu'est sort ? De Vimoutiers, où ses maîtres l'ont mise à la porte pour son inconduite. C'est pas étonnant. Elle a l'air de ce qu'elle est. » La belle fille avait chassé les rêves poétiques de Jean, qui n'attendait plus l'Elvire rêvée.